إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمس نبي بقي أركان الإسلام، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يعني لماذا les shahadatan, les deux attestations ont été mises ensemble et elles ont été comptées comme étant un seul pilier. Jawab Andak, c'est la réponse. Pourquoi les deux attestations ont été mises ensemble et considérées comme un seul pilier? Qal yanna, cela fait partie de quoi? De la foi parfaite en celui qui envoie le message et au messager ensemble. Car il ne faut qu'une seule chose. Celui qui envoie un message et le messager qu'il a choisi pour passer son message sont une seule et même chose. Et l'autre fait, c'est que l'autre raison qu'il a expliqué, c'est que cela démontre, c'était plutôt car la shahada implique l'ikhlas, sa sincérité, et le fait de dire Muhammad Abdou Rasoulou, cela implique le suivi. Qui, les deux ensemble sont les deux conditions essentiel pour voir l'acceptation de l'acte, qui sont la sincérité et le suivi prophétique. Ah, voilà. Les fruits de cette shahada, cela implique une parfaite soumission à Allah SWT et un suivi total du messager et personne d'autre en dehors de lui. Donc il y avait, bien sûr, parmi les piliers, Iqamat al-Salat, la salat, Itai Zakat, la zakat, Soum Ramadan, également le Hajj. طيب. لكن هذه دروس حتى الفوائد qui sont données là comme ça là, حاولون تحفظوها هي مهمة قد تفيدكم في المستقبل. Vous savez dans le futur si quelqu'un vous pose la question. مثلا وغير ذلك. هذا لا يخفى عنه. Ce sont des petits imbibes mais الحمد لله ils sont مهمين et ils sont profitables. طيب. اليوم ندخل في Andy, c'est juste une page cassière. Osos al-Aqidati l'Islamiyya. Le fondement de la croyance islamique. Qala rahimahullah ta'ala. Ad-dinu al-Islami. Kama sabaq aqidatan wa shari'atan. Wa qad asharna ila shay'in min shara'i'ihi. Wa dhakarna arkana. Allati tu'tabar asasan shari'ihi. Il dit la religion islamique, comme nous l'avons cité précédemment dans les autres vers, au point de vue de la croyance et de la législation, nous avons cité justement certains points par rapport à sa législation. Nous avons cité ces piliers qui sont considérés comme étant justement eux-mêmes les fondations de sa législation. Car c'est sur eux que se basent tous les rites par la suite. Ce sont les cinq piliers. أما العقيدة الإسلامية فأسسها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Après il dit la maintenance qui tombe. Donc nous la dernière fois on a parlé de الشرائع, en expliquant les cinq piliers, on va dire les rites. Maintenant il parle, le reste du livre va se baser sur la croyance. Le reste du livre va se baser sur la croyance. Il dit, en ce qui concerne la croyance islamique, ses fondations sont la croyance à Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin qu'il soit bon ou mauvais. C'est de là que tout se base. Après, il va expliquer dans la suite du livre, point par point, que veut dire la foi en Allah? Que veut dire le fait de croire aux anges? Que veut dire le fait de croire en ses livres, en ses messagers et ainsi de suite? Akada. Car c'est ça le thème du livre en soi. C'est Usul al-Iman, les fondements de la foi. قال وقد دل على هذه الأسس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc ces fondations qu'on va citer là, ces fondements sont eux-mêmes bâtis sur des preuves tirées du Coran et de la Sunna. La Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال ففي كتاب الله تعالى يقول الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ويقول في القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. Donc maintenant, ces fondements, quelles sont ces preuves du Coran? Allah dans le Coran, il dit, dans le sens, que la piété ne consiste pas à ce que vous tourniez vos visages vers l'Occident, vers l'Orient, l'Occident. Mais cependant, cette piété, c'est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc ce verset regroupe 5 des piliers. Le sixième, c'est le destin. Il est cité dans un autre verset par la suite, où Allah, dans le sens, il dit « Et nous avons tout créé avec yani, là ça peut être dit avec dose. » C'est une chose qui est prescrite à l'avance, ce qui revient au destin. Toute chose à juste mesure. Et la juste mesure inclut que tu l'aies connu avant. Donc cela revient au destin. Ensuite, « قال وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. تيغ دو لا سنة. C'est le fameux hadith apporté par Omar, radiallahu anhu, lorsque Jibril s'est rendu auprès des Sahaba avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'apparence d'un homme. Et il posa des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam en vue d'enseigner aux Sahaba leur religion. Et parmi ces questions, il l'interrogea à propos de l'Iman, la foi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondu, l'Iman, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais, rapporté par Muslim. Et kazalika, dans ce qu'on a pris hier, les arcanes de l'islam, dans le même hadith, il interroge sur l'islam. Et il cite les 5 piliers. Antashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqim as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasum ramadan wa tahudd al-bayt. In istata'ta ilayhi sabila. Il l'a interrogé à propos de l'islam et il lui a dit l'islam c'est que tu fasses les 2 attestations, que tu accomplisses la salat, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes dans le ramadan et que tu fasses le hajj si tu peux. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi il n'a pas cité ce hadith directement. On avait cité Kidona Faïda la différence entre l'islam ou l'iman. Man yathkur, qui se rappelle la différence entre l'islam et l'iman. Naam. Arsad. À la base, les deux civils ensemble, plutôt civils séparément, l'un a le sens de l'autre. Quand on dit l'islam tout seul, ça inclut l'iman également. Et quand on dit l'iman tout seul, ça inclut l'islam. Et lorsque les deux viennent ensemble, comme dans le hadith de Jibril, l'islam lui est employé pour les actes apparents, dont les 5 piliers. Et l'Iman pour les actes intérieurs, dont les piliers de la foi, actuellement là. Non. Donc l'Iman, c'est un acte affibi à Hada. Et après, là maintenant, le livre va suivre se basant sur ces 6 piliers. 6 piliers de la foi qui seront cités les uns après les autres. Biznillah Ta'ala. Amen. فإلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.